Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Sois sympa, chante aller pour moi. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Sois sympa, chante ta voix pour moi. Moi j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Sois sympa, chante croix pour moi. Je crois, tu crois, il croit, elle croit, nous croyons, vous croyez, il croit, elle croit. Sois sympa, chante savoir pour moi. Je sais, tu sais, il sait, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Sois sympa, si tu le sais, dis-le-moi. Je bois, tu bois, il boit, elle boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. Sois sympa, non, reste pas là. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. Oh là là, ils vont bien s'arrêter là. Sois mon ami, reste toujours gentil.